Pendant que tu rêvais, 3h du matin, Toulouse centre-ville. J'enlevais ma blouse, les yeux tout rouges, le ventre vide. Je connaissais les dangers pour que la flamme s'allume. Mais cette âme, j'ai mélangé ce qu'il n'aurait jamais fallu. J'ai créé un rapide qui méprise les sentiments. Sans pitié ni Dieu boudra l'église, va couler le sang dimanche. Car ça a pris 2 heures pour l'Afrique, mais le Renoir sait que si David est mort ainsi que les paroles de Benoît XVI. Je lui ordonne, faille, ôte la vie à ce genre d'homme. Tu les trouveras là où l'or dort va. J'ouvre la porte et nu, je la chapelle. Sans peur, tu pars repeindre avec le sang d'un porc les murs de la chapelle. Londres, Paris, quart de Rome. Il traînera par les cheveux Galliano pour le pendre dans sa garde-robe. Le dialogue oublié, tout ça c'est mou. Il prendra le billet et ramènera Youssouf à la tête à Zemmour. Qui m'en a fait la promesse. Un génocide, mais notre la vie qu'à ceux qui nous fait aussi. Donc dira le peine à quoi la vraie vie ressemble. Puisqu'elle est un problème, lui enlèvera la peau. Voir combien de temps JM pourrait vivre sans. Oh non, mais on ne peut pas faire ça à un humain. Un humain? Un homme qui fait la chasse à d'autres parce qu'ils ne sont pas comme lui ne mérite que ça. Non, il y a une justice. Oui, mais t'inquiète, justice sera faite. Je lui ai donné tout pouvoir en lui donnant la ville. Que la police le vous voit tout en abandonnant la ville. Tu trouvais le parcours nul, suis-le pour voir le gabouche. Il fera courir bouche nue sur les boulevards de Kaboul. La liste est longue, sa cible est un dictateur, exterminateur de Tibétains. Qui va vite s'éteindre, puis il ira où tu le char et la salve. Il a des noms, connais-tu Karimov, Poutine et Bachar et la salve. Veux les faits sans grâce, un type trop massif, 95% de rage, 5 de diplomatie. Il aime les peuples mais ne les pleure pas à 100 ans. Les rayeras de la carte s'ils ne peuvent pas s'entendre. Puis il voudra jouer l'actrice à l'air jolie mais jolie, et vous lui ouvrirez la cellule à Patrice Allègre. Ne voudra comme seul salaire que les eaux électriques. De pincer sa pelle à l'aide d'un réseau électrique. Quelle horreur! Rends-tu compte que cette chose que tu as créée est aussi méprisable que les cibles elles-mêmes? Qu'est-ce que tu proposes, hein? Le mal par le mal! Regarde-les, regarde-nous! Puis je l'ai fait à l'image du globe, cruel et sans merci. Il veut son heure de corps comme Bruel à son Bercy. Chante, Apache sur ton espèce de trône. Mais crois-moi, fils, le poids de tes péchés pèse de trop. Je l'ai fait dans la pierre, loin des rochers. Puis élevé dans la bière, le reste est bien trop cher. La merde, c'est loin des gros chèques. Un donneur d'ordre, peut-être trop long Paris. Un voleur d'or noyé dans son propre pétrole en baril. Chèque! Voilà tout ce qu'il mérite. Que la joie quitte ses portes tant que la douceur quitte Mérine. Lui fera dire une dernière fois qu'il a adoré Milan. Et s'il en aura le choix qu'entre la mort probable et la mort imminente. Vous m'avez tous, mais cette fois c'est la terre. J'ai lu qu'un monstre revient toujours à la source pour effacer la tête. Partons sans l'épée, le guerrier de Salis. Sont les derniers mots que j'entends. J'étais bien le dernier de Salis. Vertigo.